Troisième partie. Vous n'êtes pas mort? L'autre jour, je faisais du 150. Du 150? Oui, j'ai une voiture de sport. Donc, je faisais du 150. Lorsque j'ai perdu une roue. Et vous n'êtes pas mort? Je n'ai pas eu d'accident. Comment? À cette vitesse-là? Non, c'est la roue de secours que j'ai perdue.